Aweza kakamawa Eyebi pete kopona Maître Guy la baleine Motema ya mwana moketo mokolo Ted Tenai la main qui donne Aweza kakamawa Eyebi pete kopona Motema ya mwana moketo mokolo Dada Francine Muyumba Nyoso zonyo koma Nasili maele Ongayo Maître Tete Kabwe Jean-Luc Demba Miro yo Ekaboli bolingo yangana yo Na yebite nani atongie OLK Initiative Plus Miro yo Ekaboli bolingo yangana yo Na yebite nani atongie La lettre Z Président du Shark Club Isoli nanga ezo mona na te Pona zole la na se angula Quel confusion Jessica Bassele, Tata Oscar Isoli nanga ezo mona na te Pona zole la na se angula Je suis perdu Jores Chibala, Ndomboli Noliter, Sango Yangoyo Kozanga Eme Motombo Olindo Force de Fukushima Oyo Yasue Abinanga Gimax Namila Arsène Amani Kozanga Jeune talent congolais Olindo 243 Oyo Nachela Kimotema Namila Patrick Colombe Docteur Jeff Njad, il était tâton des dieux. Justin Moussanganya, Samy Lessin. Général Delphin Kayimbi, Patrick Mounyomo, Afro Congo. La haute gamme Elga Elegance. Mimi la Jimène. Isaac Maï, Toto Weekend, vient à Bafilo. Kilo Bounda. Chérie, yeah, yeah, yeah, yeah. Chérie, oh, oh, oh, oh. Axel Mounzola. C'est la talent d'équipe Jamal Tabou DJ Chérif Chérie, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chérie, yeah, oh, oh, oh, oh. Jonathan Villari, Kaiser L Lab Zamba Zangi Nyama Reviens à moi Maye Zangi Mbisi Reviens à moi Motile yeah. Zangi Motu Maître Dominique à moi Ngana Zangi Amunanga Reviens à moi yeah. Narcisse Baya Nana Boduga Sala Nomba Wilika Yemi Nasali urgence, nakoti nakoma Nazana posa oro veranga jeteme Chérie, yeah, yeah, yeah, yeah Oh no Chérie, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah DG Aller Ouiza Marcel Nganza Albert Pille Magloire Palou Chérie, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, Chérie, yeah, oh, oh, oh, oh, oh. Jean-Marc Matouagi DJ Daddy I'm seeking you my medicine Give me my special treat Moukou Bois Pierre Baby just a little kiss So my heart can live in peace Reviens à moi Baby I'm your number one lover Reviens à my moi My love for you is bigger Reviens à moi My girl can you come over Reviens à moi I want that back together Reviens à moi Sala Nombangu Okutana Directeur Maga Nasa d'urgence Na poti na koma Nazana poza opeta na babizu Papi Moma, Motema Yamani Lola, Raoul Matoupe, Limoda Fashens, Eric Moussanganya, Eli Moussanganya, Oni Tourena Abidjan, Yves Dembela, Ange Mandrier, Booking Front, Gypsy Matai, Karim Okonzi, Evelyne Kamo Lopez, Marie Laure, Village Molokai, Les compétents Yves Mouy.